Situation 2. À la radio. Activité 1, page 41. Écoutez. Dites si c'est vrai, faux ou si on ne sait pas. Aujourd'hui, dans notre émission « Les femmes et le travail », nous sommes heureux de recevoir Madame Yvette Debré. Bonjour Madame, bienvenue. Bonjour. Vous habitez en France, à Tours, et vous travaillez à Bruxelles. Vous êtes mariée et vous avez deux enfants. Première question, qu'est-ce que vous faites comme travail ? Je suis dans le commerce international. À quelle heure vous levez-vous le matin ? Très tôt, vers 6 heures. Je pars de chez moi à 7 heures. Tous les jours ? Presque. Parfois, je dors à Bruxelles. Comment voyagez-vous ? Habituellement en train, en TGV, quelquefois en avion. Et vous déjeunez où ? Normalement dans mon bureau, entre deux réunions. Vous sortez souvent le soir ? Oh non, le week-end je sors quelquefois avec mon mari, mais en semaine nous restons à la maison. Je lis, on regarde la télévision. Votre vie est un peu compliquée, non ? Un peu, mais elle est passionnante. Et puis, mes enfants sont grands maintenant.